Bonjour. Dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui semblent persuadés que j'ai de la haine contre des individus. Or, c'est pas le cas. C'est tout simplement que j'ai de la haine, oui, contre des forces qui se trouvent derrière des individus. Si on prend là, Monsieur Richard Martineau, est-ce que je le déteste? Est-ce que je suis en colère contre lui? Ben non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est comme Madame Bombardier, est-ce que j'ai de la haine pour elle? Est-ce que je suis en colère contre elle? Non, pas du tout. Je suis en colère contre des choses dont eux-mêmes, je les considère comme des victimes. Pas des victimes là, au sens de les victimiser, mais au sens où, pour manipuler, il faut être manipulé. Puis quand on est convaincu à ce point-là que la fin justifie les moyens, ça veut dire qu'il y a de l'illusion. Il y en a énormément. À un moment donné, si on prend par exemple là, Bernard, il chialait contre quelqu'un que je pense être Bob Dylan. Il dit, c'était contre ci, puis c'était contre ça, pasteur, ça se promène en grosse limousine noire, puis ça charge 350 000 US pour des concerts privés. Je pense pas que Bernard haïssait Bob Dylan. Je pense qu'il haïssait ce qu'il y avait derrière, ou les forces qui passaient à travers ce gars-là. Si on prend aussi quand il disait que pour lui, à ses yeux, 98% des artistes, c'était des crétins, je pense pas qu'il disait ça par haine ou par méchanceté, mais par colère, par rapport à certaines forces qui s'expriment à travers les individus. Si on prend le journal de Montréal, quand je dis que c'est un torchon puis une feuille de chou, c'est parce que je considère que c'est un torchon puis une feuille de chou. Est-ce que ça veut dire que je considère que les gens qui travaillent pour le Journal de Montréal sont mauvais ou méchants? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Prenez là, au début de tout ça, de la situation que nous vivons actuellement, il y a eu un article que j'ai vu, que j'arrive plus à retrouver, qui disait que certaines choses tendraient à démontrer que le tabagisme semble protégé contre le COVID. Bien entendu, j'ai considéré que c'était de la foutaise. Puis par après, le Journal de Montréal a publié des choses qui allaient dans le sens contraire en désavouant ces fausses données-là. Mais par après, j'ai su qu'il y avait des lobbyistes de l'industrie du tabac qui s'était arrangé pour que circule cette information-là. Ça a duré un laps de temps jusqu'à ce que ça soit démenti. Ça a été une question, je pense, de quelques semaines, avant que finalement des articles qui allaient dans le sens contraire sortent. Mais ce laps de temps-là était suffisant pour que des gens prennent une mauvaise habitude et qu'ils en soient dépendants. Est-ce que je suis en colère contre les lobbyistes qui ont fait ce travail-là? Non. Non, mais je suis en colère contre certaines forces qui s'expriment à travers les gens parfois. Ça n'a rien à voir avec les individus, jamais. Pas à ce niveau-là. La conscience individuelle, oui. L'individuation, oui. Mais ça vient jamais d'eux. Quand quelque chose est pas, quand quelque chose du genre s'exprime, ça vient jamais de l'individu. L'individu, lui, il sert de support. Et puis quand on pense à ce point-là que la fin justifie les moyens, au point d'être malhonnête, au point d'être manipulateur, ça veut dire que l'individu lui-même est chevauché, qu'il est manipulé. Et c'est ma colère parfois va sembler se diriger sur le messager. Pourquoi? Parce que parfois, le reste est inaccessible. Donc, on a besoin des fois d'identifier les messagers. De dire ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Mais est-ce que j'en veux personnellement à ce genre-là? Non. Non, parce que ce sont vraiment des victimes. Non, pas des victimes au sens où on l'entend habituellement, mais des victimes au sens qu'il y a une utilisation par des choses qui les dépassent. Et puis, le fait que certaines personnes vont donner leur consentement, vont se plier à accomplir certaines tâches qui sont basses. Ça vient de quelque chose qui manque. On n'a pas à être en colère ou à vouloir s'acharner sur des gens à qui il manque quelque chose. Si nous prenons Madame Bombardier, qui est très instruite, qui est très intelligente intellectuellement, on peut considérer qu'il y a peut-être là ce qu'on appelle une compensation. Parce que l'intelligence, ce n'est pas juste l'intellect, c'est très vaste. Et puis, est-ce que cette dame-là, à mes yeux, est méchante? Est-ce qu'elle mérite d'être punie? Non. Comme tout se paye, ce sont les circonstances qui punissent. Et comme rien se perd, que tout se paye, nous avons intérêt quelque part au niveau d'une intégration de la réalité à pas voir ces gens-là comme des gens méchants ou des gens mauvais. Parce que ça, ce serait participer à la subjectivité pour laquelle ils travaillent. C'est là que ça tombe dans de la polarité. Mais personnellement, je leur en veux pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opposition, de forces qui se font face. Et au niveau des polarités, ce qui se fait face est toujours semblable, mais dans des polarités différentes. Comme par exemple, là, il y en a que eux, ils vont avoir une vision que la solution, ce serait d'un retour au catholicisme, par exemple. Alors que le catholicisme et le christianisme des origines, ce n'est pas du tout la même chose. Le catholicisme, il ne vient pas de Jérusalem, il vient de Rome. C'est quelque chose de politique créé par un bonhomme qui était très brillant politiquement, qui s'appelait Constantin, l'empereur Constantin, et qui s'est perpétué pour des raisons de pouvoir sur la terre, d'un esprit de corruption qui va être roi sur la terre. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de condamner complètement le catholicisme, mais il y a une grande différence entre ça et puis ce qu'on pourrait appeler ce qu'a été le christianisme, ce qu'il était en essence. Donc, il y en a, par exemple, qui pensent que la solution, c'est le retour au catholicisme et qui vont se comporter, si on peut dire, en pharisiens. Puis ils ne le voient pas. Ils ne le savent pas. Puis ils ne le voient pas. Mais ça devient des espèces de pharisiens. Et ils deviennent aussi déplorables que ce qu'il y a en face, que ce qu'ils dénoncent. Est-ce que je trouve ça. Oui, ça me met un peu en colère. Un peu. Oui, est-ce que ça fait que je pourrais être assez dur dans mes jugements? Oui. Mais encore là, on a intérêt à être charitable envers ces gens-là, être indulgent, à accorder l'indulgence qu'on ne nous accorderait pas. Puis, de temps en temps, là, c'est au niveau de faire face à des gens qui sont grandiloquents, qui sont dans de l'information spectacle. Ça peut être juste des fois d'être aussi, des fois de retourner cette énergie-là. Ça peut sembler des fois à une opposition qui est semblable, qui devient un semblable de ce à quoi on s'oppose. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Enfin, pas tout le temps. Donc, c'est ce que je voulais dire maintenant. Par rapport à l'altérité, le principe d'altérité, si on le regarde au niveau de ce qui n'est pas vu habituellement au sens de la psychologie conventionnelle, c'est-à-dire, je dirais, occultement. Mais il y a des gens juste d'employer ce terme-là, ils vont. Donc, si on le regarde différemment, le principe d'altérité, eh bien, le principe d'altérité va toujours être basé sur une fausse identité ou une identité déformée. Parce que pour induire, faire une induction d'une vision déformée de l'autre en tant qu'autre, chez quelqu'un, il faut déjà qu'il y ait une vision déformée du soi. Il faut déjà qu'il y ait une vision déformée au sens d'un sentiment d'appartenance à un collectif, et puis ça, c'est jamais réel. C'est jamais réel. Le collectif draine toujours de l'individualité, si c'est pas ajusté, si c'est juste psychologique. Donc déjà là, il y a une petite clé pour comprendre comment est-ce que c'est possible d'engendrer de l'altérité, de s'en servir. Et puis, pour donner une image déformée de l'autre, ça prend tout d'abord à la base une image déformée de soi. Ça n'a pas le choix, parce que ça fait partie des lois psychologiques. de l'âme. L'âme, qui est un principe extrêmement mal intégré, mal compris, qui a été mal éduqué. Les gens ont été mal éduqués par rapport à ce qu'est l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est de la mémoire expérimentale, incarnationnelle, planétaire, collective et individuelle. C'est ce qui fait que si vous apprenez quelque chose à un singe, il y a d'autres singes qui sont de la même catégorie, le même type de singe, qui vont le savoir aussi, ça va passer par l'instinct, par l'intuition, parce qu'il y a une âme collective. Si on prend le conscient, c'est comme la pointe d'un iceberg. Tout le reste du psychisme est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est des phénomènes qui ont été très mal étudiés. Au niveau de l'âme, il y a ce qu'on pourrait appeler l'âme collective, c'est un peu ce que les Jungiens appelaient l'inconscient collectif. Donc, l'inconscient, ça passe tout le temps par de l'inconscient. Il y a tout le temps un lit qui est fait. Il y a déjà un plat qui est mis. S'il y a ça toujours, un individu pourrait pas être illusionné sans qu'il y ait déjà l'illusion d'un collectif. Mais c'est les mêmes lois qui font en sorte qu'il y a de l'évolution possible aussi. Un troupeau de cerfs qui, pendant des millénaires, se tue en passant par le même endroit qu'ils se jettent tous. Vous savez, là, le phénomène qu'on a appelé les caribous, là, il y en a qui tombent en avant, mais ça continue à avancer, puis ils tombent tous, même au niveau d'une mémoire inconsciente. Même les cerfs qui allument, qui vont tomber, puis ils peuvent pas, ils vont être poussés derrière eux par ceux qui ne le savent pas ou qui n'en ont pas l'instinct ni l'intuition. Puis ils vont tomber pareil. Ça peut prendre encore des millénaires, des millénaires, des millénaires pour que quelques cerfs s'éloignent du groupe par instinct. Ce sont des processus très longs, très lents. L'évolution réelle, pas au sens darwinien du terme, l'évolution réelle, c'est tout le temps sur des générations et des générations. Donc, je vois pas quoi dire d'autre pour aujourd'hui. Bonne journée.